Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'étrange voyage de Donald Crowhurst, le faussaire de l'océan. C'est une histoire qui commence comme un conte. En 1968, dans une petite ville des Cornouailles anglaises, 9 marins tentent l'exploit le plus audacieux qui soit, une sorte d'absolu, faire le tour du monde en solitaire, sans escale, par les trois grands caps. Une aventure de plus de 9 mois pour ces pionniers, seuls face aux éléments et à ses caprices, sans aide extérieure, sans balise, sans GPS. Parmi eux, un homme que personne n'attend, un certain Donald Crowhurst. Père de famille nombreuse et navigateur du dimanche, il rêve tout haut de conquérir les océans et d'ajouter son nom à la liste des immortels. Argent, sponsor, médias, il réussit à réunir toutes les conditions pour partir, ce qui tient un peu du miracle. Mais en mer, l'inexpérience ne pardonne pas. Or, plutôt que de faire demi-tour, au risque de tout perdre, c'est vrai, sa maison et son entreprise notamment, il va mentir et tomber dans son propre piège. Pendant cette course, finalement, Crowhurst ne connaît qu'un adversaire, redoutable et mortifère, lui-même. Notre invité, aujourd'hui l'acteur, cinéaste et producteur Jacques Perrin. En 1982, il a interprété le rôle de Donald Crowhurst dans le film Les 40e rugissants, réalisé par Christian Challonge. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'Angleterre a réservé à Sir Francis Chichester un accueil triomphal et chaleureux. Dans le grand port pavoisé de Plymouth, 250 000 personnes venant des quatre coins du royaume et des milliers d'autres en provenance de plusieurs pays d'Europe et d'Amérique s'étaient massées dès les premières heures de la journée de dimanche pour assister à un événement unanimement qualifié d'historique, l'entrée en rade de Gypsy Moth 4, le célèbre yacht de Sir Francis qui sera exposé pour la postérité dans le musée naval. Pour la première fois dans l'histoire, un homme a ainsi effectué, en voyage solitaire, le tour du monde en bateau. C'est un événement sans précédent, une date qui, dit-on ce soir à Londres, sera enseignée aux écoliers des générations futures. Dimanche 28 mai 1967, port de Plymouth, au sud-ouest de l'Angleterre. Le navigateur britannique Francis Chichester est de retour sur Terre. À 65 ans, le vieux loup des mers vient d'accomplir le premier tour du monde en solitaire avec une seule escale en Australie. Après 226 jours de navigation et plus de 60 000 km parcourus, il est accueilli en héros national, adulé par la foule, bientôt anobli par la reine. Partout ailleurs, son exploit fait des émules et l'on pense déjà à la prochaine étape. Sir Francis Chichester a ouvert la voie à la dernière grande aventure maritime, faire le tour du monde par les trois grands caps, en solitaire, mais cette fois, sans escale. C'est ainsi que 6 mois après son retour, plusieurs navigateurs se préparent déjà ouvertement pour la longue route. Si bien que l'hebdomadaire londonien The Sunday Times, flairant l'intérêt du public, décide d'organiser la course. Ce sera le Golden Globe Challenge. Il propose aux marins intrépides de partir d'Angleterre entre le 1er juin et le 31 octobre 1968 et d'y revenir après avoir dépassé le cap de Bonne-Espérance, le cap Horn et celui de Lewin sans jamais accoster. Pour conserver une certaine équité, puisque tout le monde ne part pas à la même date, le journal a prévu 2 prix. Le premier arrivé recevra un globe d'or, le plus rapide lui touchera une somme de 5000 livres, le coût alors d'une petite maison. Le premier à s'élancer est un jeune officier de la Royal Navy, Robin Knox Johnston, 29 ans. Le 14 juin 1968, il embarque sur son voilier, une coque de noix baptisée le Sahelie, bientôt suivi par 8 autres concurrents, dont le français Bernard Moitessier et son acolyte Loïc Fougeron. Célèbres ou inconnus, ce sont tous des marins aguerris, expérimentés, tous, enfin presque. Parmi eux, un homme en effet fait figure d'outsider, c'est le moins qu'on puisse dire, Donald Crowhurst. Il est, dira-t-on, le parfait quidam, bon mari, bon père. Cet ingénieur anglais mène une petite vie tranquille à Bridgewater et tente, comme il peut, de joindre les deux bouts. Navigateur du dimanche, propriétaire d'un petit bateau, il a grandi avec les histoires merveilleuses de Kipling et dévore aujourd'hui les récits des mers lointaines. Mais lui, n'a rien d'un baroudeur. Mais en ce printemps 1968, il rêve à voix haute. Pour te dire, il a 35 ans et il s'ennuie. D'autant que sa petite entreprise d'électronique marine, Electron Utilization, bat dangereusement de l'aile. Alors, ce voyage au long cours, il l'imagine assez vite comme une main tendue, un fol espoir d'aventure, de gloire, de fortune. Il n'a jamais passé plus d'une nuit en mer, mais il se renseigne déjà sur l'engin capable de le mener au bout du monde. Et sans complexe, il contacte Chichester en personne et lui propose de louer son Gypsy Mauve. Vous me confiez votre bateau, je fais le tour du monde et je vous le rends. Ben voyons. L'affaire n'aboutit pas, bien sûr, mais Crowhurst s'entête. Son enthousiasme contagieux finit tout de même par convaincre l'actionnaire de sa propre entreprise, l'homme d'affaires Stanley Beth, qui accepte de financer la construction du voilier. En la matière, Crowhurst a mis l'idée. Il imagine un multicoque révolutionnaire truffé de ses propres inventions, dont un airbag en tête de mât pour éviter de chavirer. Séduit mais réaliste, son sponsor ajoute une clause au contrat. S'il renonce avant le départ ou s'il abandonne prématurément la course, il devra rembourser le bateau. Autrement dit, la ruine pour Crowhurst. Qu'à cela ne tienne, il hypothèque sa maison, son entreprise, et en juin 1968, le Teignmouth Electron est mis en chantier, 4 mois seulement avant la date limite de départ de la course. Fin septembre, le bateau est mis à l'eau, ce qui tient à la fois du miracle et du désastre, car rien ne fonctionne. Et il faut se rendre à l'évidence, Crowhurst n'est pas taillé pour. Certes, il réussit l'épreuve de qualification, mais en 10 jours, quand il n'en faut que 2 à ses concurrents. À la fin du mois d'octobre, la sentence tombe. Le bateau n'est pas prêt. Le marin non plus. Mais c'est trop tard. Donald Crowhurst est pris au piège. Sponsorisé, il est coincé. Il ne peut plus faire marche arrière. Alors, face aux journalistes qui se pressent devant sa porte, il fait bonne figure. Son attaché de presse, le truculent Rodney Hallworth, vend à grands cris cette histoire sans âge, celle de l'homme modeste mais téméraire qui va conquérir le monde. Le 28 octobre 1968, 3 jours avant la date limite du départ, les caméras de la BBC viennent filmer le phénomène. Oh, un peu raide avec sa cravate sous son pull col en V, il répond comme il peut aux sceptiques. Il y a des choses que vous n'arriverez pas à finir. Et je ne pense pas qu'il y ait tellement de choses qui ont une certaine importance et que nous n'arriverons pas à finir. Nous nous sommes occupés de la plupart d'entre elles, mais nous n'avons pas de trop grands manques, vous savez. Il n'y a rien d'essentiel qui fasse défaut. Quel est le type d'attitude d'esprit qu'un navigateur doit avoir ? Je pense qu'il faut que nous soyons assez stables sur le plan psychologique et que nous ayons à tout moment conscience des risques que nous courons et qui ne doivent pas nécessairement être aggravés. Lorsque la caméra s'arrête, Crowhurst s'assombrit et répète en boucle « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ». Pourtant, il faut partir, déhaler le bateau du quai, sourire, envoyer des baisers. Le 31 octobre 1968, 15h, port de Teignmouth. L'Electron est le dernier navire à s'élancer dans la course du Golden Globe Challenge sous les encouragements de la foule qui a envahi le quai. Oui, mais faux départ. Crowhurst n'arrive pas à lever la grand-voile. Il est donc remorqué, malaise. 2 heures plus tard, il repart, pour de bon cette fois. Il laisse à terre sa femme, ses 4 enfants et ses doutes. Il est désormais seul en mer, seul comme on l'est encore au temps des pionniers de la course au large, pas de balises de détresse, pas de GPS, bien sûr. Navigation à l'estime, au point sextant à midi. Seul le navigateur peut donner des indications en morse sur l'endroit où il se trouve. Il dispose aussi de rares appels téléphoniques transmis par opérateur radio. Ainsi commence l'incroyable voyage de Donald Crowhurst qu'il va raconter lui-même grâce à une caméra 16 mm et un magnétophone offert par la BBC. Un témoignage exceptionnel. Sur sa première vidéo, après 5 jours en mer, il assure que le moral est bon, mais il est bien conscient des difficultés. Je n'ai jamais de ma vie levé l'ancre dans un manque de préparation aussi total. Malgré tout, en vertu des stipulations, il fallait que les concurrents partent le 31, et je suis effectivement parti le 31. Auprès de son attaché de presse, Rodney Hallworth, et à sa femme Claire, il se montre tout aussi rassurant. Il a remis de l'ordre dans le capharnaüm de son bateau et aucun gros problème technique n'est à signaler. Message régulier, toujours laconique, toujours mesuré. Son journal de bord, lui, raconte une toute autre réalité. Une semaine après son départ, il constate une fuite d'eau dans l'un des flotteurs. Machines et circuits électriques sont inondés. Ce satané bateau tombe en miettes, écrit-il. Dans les eaux calmes de l'Atlantique Nord, il peut encore vider l'eau avec un seau. Oui, mais sous les hautes latitudes, dans les vagues battantes, c'est impossible. D'autant que son bateau se traîne, alors qu'il est déjà loin derrière, dans la course. Robin Knox Johnston, parti depuis 4 mois, approche, lui, de l'Australie. Bernard Moitessier passe le cap de Bonne-Espérance. Avec son chausse-soie, le Français avale les milles avec une régularité de métronome 6 nœuds en moyenne. C'est le plus rapide. Son poursuivant immédiat, Nigel Tetley, est à près de 15 jours de distance. Crowhurst, un mois après son départ, l'illusion n'est plus possible. Il dresse la liste des problèmes à bord, terrifiant. S'il continue vers les 40e rugissant, il évalue ses chances de s'en sortir à 50-50, ce qui est optimiste. Car les mers du Sud sont fidèles à leur réputation. Au cours du mois de novembre, 5 concurrents abandonnent la course. Il n'en reste donc que 4. Robin Knox Johnston, Bernard Moitessier, Nigel Tetley et Donald Crowhurst, qui doit faire face à un terrible dilemme. S'il avance, il est mort. S'il renonce, il est ruiné. Alors, couler son bateau ou couler sa vie? Y a-t-il une troisième option? Pour l'instant, Crowhurst continue péniblement sa route vers le sud, communiquant des indications sur sa position de plus en plus vague, au singulier comme au pluriel. Le 10 décembre, un mois et demi après son départ, coup de tonnerre. Crowhurst annonce par télégramme « bon vers le sud de 172 000 ». Dimanche, 243 000. Nouveau record pour un navigateur solitaire. À terre, dans les bureaux des attachés de presse, Rodney Hallworth, c'est l'euphorie. Plus de 400 km en 24 heures, c'est incroyable. L'annonce de ce record fait l'effet d'une bombe et relance les spéculations. Et pour la première fois, Crowhurst est à la une du Sunday Times. Donald Crowhurst, le dernier parti dans la course en solitaire autour du monde organisée par le Sunday Times, a couvert dimanche dernier à bord de son trimaran de 12 mètres et demi, une distance de 243 milles qui nous laisse le souffle coupé. L'exploit est encore plus remarquable si l'on se réfère aux très médiocres vitesses qu'il a atteintes pendant les 3 premières semaines de son voyage. Il a mis plus de temps à atteindre le Cap Vert qu'aucun autre concurrent. Dans son dernier message audio, Crowhurst déclare qu'il n'a pas quitté le car pendant ses dernières 24 heures. Ce fut une rude tension nerveuse. Je n'avais jamais marché si vite de ma vie. Si le navigateur, le maître, Francis Chichester, qui détenait jusqu'alors le record de vitesse en solitaire, est sceptique, il faut dire que Crowhurst est passé de 3 nœuds de moyenne à 8 nœuds, le reste de l'Angleterre s'emballe. Les railleurs d'hier révisent leur jugement. Rodney Hallworth, attaché de presse frénétique, enjolive les prouesses de son poulain, et la presse jubile. Pour la famille de Crowhurst, c'est aussi le soulagement. Sur une grande map monde, Claire et ses 4 enfants pointent l'avancement exceptionnel de Donald et les positions de ses adversaires, genre mon père, ce héros. S'il continue comme ça, il peut remporter le prix du Tour du Monde le plus rapide, devant Bernard Moitessier et Nigel Tetley. Quel suspense! En mer, un mois et demi après son départ, Donald Crowhurst commence l'écriture d'un second journal de bord. À l'intérieur, il raconte sa formidable avancée, son record de vitesse, et se lance dans de difficiles calculs à rebours. Soit à la hauteur du soleil qu'il devrait mesurer au sextant s'il se trouvait réellement aux positions qu'il annonce par télégramme. Il se trouve que Crowhurst a trouvé une troisième option, la solution à son dilemme. Oh, Un petit mensonge, rien de plus. Il exagère seulement ses performances, histoire de rassurer tout le monde, et lui le premier. Mais l'apprenti héros a mis le doigt dans un dangereux engrenage. Dans son premier journal de bord, il continue de marquer sa position réelle. Et jour après jour, l'écart se creuse. Alors que son double médiatique entre dans les 40e rugissant, le vrai Crowhurst, lui, n'a pas encore dépassé les îles du Cap-Vert. Pris de panique, ses rares télégrammes deviennent de plus en plus approximatifs, voire totalement abscons. 23 décembre, large du Brésil, ou encore presque les 40e, pied d'égalité avec les sirènes. Bon. Le 25 décembre 1968, donc le jour de Noël, Donald Crowhurst appelle sa femme et ses enfants, mais il ne parvient pas à leur révéler le poteau rose. Pas plus d'ailleurs qu'au micro de son magnéto, où il joue les marins mélancoliques. L'harmonica que je joue mal vous évoque la situation dans laquelle l'esprit de l'homme est sous pression. Donc, il n'est pas totalement déplacé. Non pas que je sois soumis à d'énormes tensions, mais cette partie de l'océan Atlantique a quelque chose d'assez mélancolique et désolé. En réalité, Crowhurst est rongé par le doute, en pleine crise d'introspection. Dans son vrai journal de bord, il se demande ce qui est le pire, finalement. La faillite? La fraude démasquée, donc la honte, à vie? Ou la mort, qui n'enlèvera pas la honte, mais dont il n'aura pas à supporter le poids? Il dresse aussi la liste des réparations effectuées sur son bateau, et elle s'alourdit de jour en jour. En attendant de s'y atteler, mais est-il encore possible d'arranger les choses? Le Teignmouth Electron poursuit sa course capricieuse, hésitant entre l'ouest et le sud, sans but précis, si ce n'est celui d'éviter la route des cargos qui pourrait indiquer sa position réelle. Le 19 janvier, après 90 jours en mer, Crowhurst envoie un dernier télégramme à Allworld. Il vire à la pointe sud de l'Afrique. Puis il évoque une panne de générateur. Alors, il ne pourra plus donner de nouvelles pendant un temps. Le temps de préparer son mensonge. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. Gardez quelque pitié pour le délaissé, qui se bat le cœur prêt à éclater, sans aucun bon sens, sans aucune possibilité de fuite. Gardez-lui quelque pitié, mais gardez-en plus encore, pour celui qui ne voit pas l'éclat de la lumière du laissé pour compte qui vous guide. Ce poème, intitulé de Misfits, Les laissés pour compte, en français, ou Les désaxés, comme le film du même nom, ça colle aussi, est daté du 29 janvier 1969. Et il est signé du navigateur Donald Crowhurst. Quelques lignes griffonnées sur son journal de bord. Voilà 4 mois que cet Anglais sans histoire, marin d'eau douce, est parti d'Angleterre, donc pour faire ce qu'aucun autre n'a réussi jusqu'à présent, le tour du monde en solitaire, en passant par les 3 caps, sans une seule escale. Or, dans cette course à la première place, il pointe à la dernière. Mais où, exactement ? À terre, personne ne le sait. Cela fait 10 jours que Donald Crowhurst a cessé d'émettre, invoquant une panne de générateur. Selon son dernier message, il approchait le cap de Bonne-Espérance. Depuis, plus rien. Silence radio. Une tragédie pour son attaché de presse Rodney Hallworth, qui n'a plus rien à raconter. Alors, pour maintenir le suspense et alimenter le formidable enthousiasme qui entoure son protégé, le bonimenteur, Brod, Donald Crowhurst est en difficulté dans l'océan Indien, écrit-il au Sunday Times, soit à 4000 de la vérité. Or, la vérité, c'est que Crowhurst tourne en rond, c'est qu'à de le dire. Oui, il est quelque part dans l'Atlantique Sud. Quelque part. En février 1969, après plus de 100 jours en mer, il a enfin trouvé son plan, une échappatoire à la ruine, à l'humiliation et à la mort. Dans 2 mois, ses 3 concurrents doubleront le Cap Horn et dépasseront sa position. Il pourra alors se glisser parmi eux, rentrer en Angleterre et dire « Moi aussi, j'ai fait le tour du monde ». Voilà. Il ne lui reste plus qu'à attendre et surtout ne plus communiquer, dans un isolement total. Crowhurst prépare méticuleusement les preuves de son faux voyage. Il dessine sur une carte sa route imaginaire, filme à travers les hublots de sa cabine d'énormes vagues s'écrasant sur le pont. Il se livre aussi à des calculs complexes pour reconstituer à rebours les données qui le rendront crédible. Relevé du soleil, direction du vent. Mais l'exercice est plus périlleux qu'il n'y paraît. À la barre, Crowhurst multiplie les erreurs et prête le flanc aux caprices de la mer. Son bateau souffre. Une importante quantité d'eau s'est engouffrée dans l'un des flotteurs. Une réparation s'impose, à l'abri des regards. Alors, il longe la côte argentine à la recherche d'un port isolé. Et le 5 mars 1969, il entre dans la rade de Rio Salgado. Le poids de son mensonge est de plus en plus difficile à supporter, mais il résiste. Il distribue quelques dollars, commande que l'on colmate la brèche au plus vite et disparaît aussitôt. Il n'a plus qu'à espérer que les gardes-côtes ne signalent pas son passage. A-t-il encore toute sa raison ? À lire son journal de bord, on peut en douter. D'une écriture serrée, quasiment illisible, il se répand de longues et folles dissertations. Au micro de son magnéto, il essaie de rassembler ses idées en vue du film qu'il réalisera à son retour pour la BBC. Je me sentais un peu comme un zombie, assis ici avec ce magnétophone à bande de la BBC. Je me sens comme quelqu'un à qui on a offert une merveilleuse occasion d'annoncer un message, quelque profonde observation qui va sauver le monde. Tout ce que je puis faire, c'est me tenir là en espérant contre toute espérance une expérience très très embêtante. Very annoying experience. Les mers, eh bien, c'est vachement bien. J'ai une espèce de dialogue avec la mer, sur la base du respect mutuel, je pense, je l'espère. Ce qui, pour l'obtenir, il faut bien sûr mener son dialogue à partir d'une position de force. S'il y a la moindre faiblesse, le moindre manque d'ordre, le moindre soupçon de négligence dans la procédure, la mer efface les plis, fouille en dessous et fait tout éclater au grand jour. Crowhurst ne le sait pas encore, mais à cette date, ils ne sont plus que trois dans la course. Bernard Moitessier, en deuxième position, mais que tout le monde attend en vainqueur. C'est vrai qu'au train où il avance, il va bientôt rattraper Robin Knox-Denson. Mais le Français annonce qu'il quitte la course et remet le cap au sud pour un second tour du monde. « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique, écrit-il, parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. » De ce point de vue, Moitessier est l'exact contraire de Crowhurst, dont l'épouse se ronge les sens. Cela fait maintenant plus de 3 mois qu'elle est sans nouvelles de son mari. Les enfants, eux, ont remisé la grande map monde sur laquelle ils marquaient l'avancement de leur père. Peu à peu, eux aussi perdent espoir. Mais le 9 avril, télégramme de Crowhurst, cap sur Digger Ramirez, il est de retour. All World, l'attaché de presse, n'en croit pas ses oreilles. Claire Crowhurst manque de s'évanouir. Leur apprenti aventurier a passé le redoutable cap Horn et remonte à présent vers le nord. Suite du télégramme, quelles nouvelles des défenseurs d'océan? Eh bien, Bernard Moitessier a abandonné. Robin Knox-Denson va gagner le Golden Globe, mais son voyage a été si lent qu'il a très peu de chances de remporter l'autre prix, celui de la vitesse. Ils ne sont donc plus que deux maintenant à prétendre aux 5000 livres promis par le Sunday Times. Tu es à seulement 2 semaines derrière, Tetley, écrit All World à Crowhurst. La photo finale fera une belle une. Crowhurst relit plusieurs fois le télégramme. Décidément, ses concurrents s'évanouissent les uns après les autres. Et ce n'est pas pour lui plaire, car son obsession à présent, c'est d'arriver bon dernier. Et oui, s'il venait remporter la course, il le sait, le jury examinerait avec attention son journal de bord et ses calculs. Or, aussi savants soient-ils, ils ne feront pas longtemps illusion. Lui non plus d'ailleurs. L'accueil du héros, la conférence de presse, les interviews à la télévision, l'échange de souvenirs avec Chichester, malgré toutes ses qualités d'acteur, comment s'en tirerait-il ? Alors, il ralentit la marche, envoie un dernier télégramme pour annoncer qu'il ne rattrapera pas Tetley, et il se saoule. Je suis ivre, espèce de circum, vieil imbécile de circum. Tu es aussi ivre qu'un circumnavigateur peut l'être. Tiens, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'en ce moment même, le directeur général de la BBC est en train de glisser quelques chevrotines dans son douze cou, pour ainsi dire. Eh bien, pourquoi devrais-je me faire du souci? Voilà l'homme, Donald Kerr. Il a donné à ce détraqué de Crowhurst un magnétophone à bande. Mais avec 74 000 kilomètres de bande, voyez-vous? Mais que peut faire Crowhurst? Après tout, il est obligé de livrer des kilomètres de blabla pour remplir l'espace, mon gars. Tu vois? C'est vraiment dommage. Mais je pense que je vais juste boire une autre lampée de cette bouteille. Le 22 avril 1969, Robin Knox-Denson pose pied dans le port de Falmouth, à l'extrême sud des Cornouailles anglaises. Après 313 jours en mer, il est le premier homme à avoir fait le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Après un accueil triomphal, tous les regards se tournent désormais vers Nigel Tetley et Donald Crowhurst. Qui arrivera le premier? Qui va devenir l'homme le plus célèbre de Grande-Bretagne? À bord de son Victress, Nigel Tetley en tête avale les 1000 à cadence régulière. Lorsqu'il apprend la victoire de Knox-Denson, il se lance à toute allure dans le sprint final. D'autant qu'il ne sait rien des positions de Crowhurst, dont il interprète les silences comme une ruse de Sioux. Alors il tire sur la bête, malmène son catamaran, à tel point que le 21 mai 1969, à 2200 km de l'arrivée, la coque du Victress se brise, le navire sombre, Tetley est sauvé de justesse. Voilà, les jeux sont faits. Donald Crowhurst, le John Doe de la course au grand large, un poireau comme on dirait sur le Paris-Dakar, va décrocher la prime promise au circumnavigateur le plus rapide. Et déjà, toute la ville de Teignmouth s'active en vue de la réception future. Plus de 100 000 personnes sont attendues dans la petite ville portuaire. Cette fois, il n'y a plus d'issue et Crowhurst le sait, il court à l'humiliation publique. Le naufrage de Tetley est le dernier acte de sa tragédie, une vengeance du destin. Prisonnier de son mensonge, taraudé de remords, il ne sait plus quoi faire. Il tente alors à plusieurs reprises de téléphoner à sa femme, mais son émetteur radio le lâche. Il s'acharne à le réparer pendant des jours, en vain. À la fin du mois de mai, il enregistre son dernier faux témoignage de marin héroïque. Je me sens extraordinairement en forme. Je crois que je vais réaliser une belle chose. Comme lorsque j'étais gosse et que je rêvais de jouer en équipe d'Angleterre de cricket. Je me sens au sommet du monde. J'admire mes réflexes. Ils sont si rapides, voyez-vous, que je ramasse les objets avant même qu'ils ne commencent à tomber. Quelle merveilleuse forme. Je ne me suis jamais senti si... Ah, sur ces mots, la bande magnétique se coupe. Arrivé au bout du rouleau, Crowhurst aussi est au bout du rouleau. Étranger à lui-même, il continue d'avancer vers le nord, vers sa perte. Le 24 juin 1969, alors qu'il se trouve au large des Açores, il reçoit un télégramme de Holworth, l'attaché de presse. Rencontre prévue aux îles Sorling avec Claire et moi. BBC prépare interview, récit exclusif pour les journaux, éditeur intéressé, arrivée triomphale prévue. Crowhurst, lui, sombre dans le désespoir. Il affale la grand voile et se laisse doucement dériver dans les algues de la mer de Sargasse. Puis, il ouvre son livre de bord et se met à écrire, frénétiquement, des dizaines de pages d'une logorée complexe, énigmatique. Il nomme sa philosophie. Au 243e jour de voyage, il est devenu un être cosmique, encerclé de rires hystériques. Sur les trois dernières pages de son journal, il amorce le compte à rebours. 1er juillet, je suis ce que je suis, je suis bien conscient de la nature de mon délit. C'est fini, tout est fini. Il ne me reste plus que la grâce. 11h15, c'est la fin de mon jeu. La vérité a été révélée. 11h17, je n'ai aucun besoin de prolonger le jeu. Cela a été un excellent jeu auquel je dois mettre fin. Tels sont les derniers mots écrits par Donald Crowhurst. Plus la place, plus le temps. Sur sa table de navigation, il dépose soigneusement ses journaux de bord, ses bandes magnétiques, ses films 16 mm. Sous la pile des cahiers, il glisse les feuilles de calcul et de ses fausses positions. Sigille l'entière confession de sa fraude. Le 10 juillet 1969, un cargo britannique faisant route vers les Caraïbes aperçoit le Tynemouth Electron à la dérive. Seule la voile d'Artimon est levée. À l'intérieur, désordre, puanteur. Le bateau est désert. On le remorque jusqu'à l'île de Saint-Domingue où l'attend Rodney Holworth. Voilà encore un secret que la mer emporte avec elle, dit-il au capitaine du cargo. La réponse se trouve peut-être ici, monsieur Holworth, lui répond le marin, qui lui donne les trois journaux de bord de Donald Crowhurst, qui restera à jamais le faussaire de l'océan. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la fascinante histoire de Donald Crowhurst avec notre invité Jacques Perrin. Bonjour. Bonjour. Acteur, cinéaste et producteur. Alors, en 1982, vous avez joué le rôle de Donald Crowhurst sous la direction de Christian Challonge dans le film intitulé Les 40e rugissants. 24 ans plus tard, vous avez distribué un documentaire entièrement consacré à cette histoire, Deepwater, réalisé par Louise Osmond et Jerry Woodwell. Et aujourd'hui, on y revient puisque vous avez participé à la production, du film Le jour de mon retour, c'est ça? Réalisé par James Marsh, qui sortira au cinéma le 7 mars. Je me dis déjà quel privilège ça a dû être d'interpréter cet homme-là. Même pour vous, d'ailleurs, ça a dû être un voyage intérieur. Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que l'itinéraire, le personnage de Crowhurst est tout à fait emblématique. Parce que moi, j'imagine que la situation pourrait se reproduire ailleurs, dans d'autres domaines, mais quelqu'un qui essaye de s'en sortir, et plus il s'en sort, plus il plonge. À un certain moment, il faut chercher quelque chose qui soit plus grand que les problèmes dans lesquels il surnage. Donc l'idée de quelque chose formidable. Et s'il réussit à faire le tour du monde pour quelqu'un qui va essayer de gravir l'Everest, les ennuis qu'il a connus se sont toujours moindres par rapport à l'énormité de l'épreuve dans laquelle il se jette. Donc pour lui, c'était aller dans le sentier des géants, comme ça on l'assimilera plus ou moins, lui aussi, plus comme appartement à cette race de navigateurs tout à fait formidable. Et donc c'était oui, bien sûr, c'est extraordinaire. Et je pense pas, parce que faut comprendre que Crowhurst, c'est un destin tragique. C'est quelqu'un qui a essayé de, non pas de se bluffer lui-même, mais de rassurer sa famille, de rassurer son sponsor, de rassurer Aylesworth, c'est-à-dire son attaché de presse. Mais de partout, les portes se ferment. Et à un certain moment, il est tout seul devant le drame. Et comment tenir? Eh ben, en montant. Mais il a été aussi pas mal aidé dans son mensonge par Aylesworth, par attaché de presse. Le fameux attaché de presse frénétique, qui lui n'a qu'une logique, c'est faire mousser. C'est son métier. Oui, tout à fait. Il les pousse au crime. D'ailleurs, quand Crowhurst dit par radio, les temps où encore il diffusait, il dit « je me dirige vers Madère ». Mais Aylesworth dit « le temps que ça paraisse dans la presse, puis il faut faire mousser un peu les choses, notre Crowhurst n'est pas connu, je vais le mettre devant Madère ». Et donc, étonné, Crowhurst apprend la position qu'il n'a pas et essaye de rattraper cette position qu'il n'aura jamais, parce que dans le même temps, l'attaché de presse le met de plus en plus loin. Et à un moment, il se rend compte que c'est pas possible. Donc, quel est celui qui a bluffé le premier? C'est très, très... Je crois tous deux, Aylesworth avait besoin de se mousser aussi, attaché de presse. C'est quand même important, surtout sur une course autour du monde de navigateur. Lui qui n'était pas préparé à la voile. Le petit aussi, armateur qu'il avait, le sponsor qu'il avait. Lui, pour s'en sortir, il vendait des roulottes. Pour s'en sortir, il faut que la presse parle de Crowhurst, dont tous avaient des raisons de croire, et tous, je ne parle pas de la femme qui, bien sûr, était éperdument amoureuse et en attente de ce qu'allait faire son mari, mais tout le monde poussait au crime. Et donc, à un certain moment, il est devenu comme la victime qui s'offre au mensonge, la victime qui, voilà, qui les choses sont perdues. Mais le jeu qu'avait Crowhurst, le mensonge, c'était pas au bout d'un certain temps avec les organisateurs de la course, c'était avec quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus haut. Il se rendait compte qu'il ne peut pas jouer avec la Providence, qu'il ne peut pas jouer avec les divinités. Donc son jeu, c'était dans le cosmos, c'était dans l'univers. Donc quelle était l'importance de cette petite course d'un point, d'un autre, de la Terre, c'était rien. Donc il dialoguait dans ses propos, ses lettres qu'il a laissées, son journal de bord, c'était effroyable. Est-ce que c'est bien précis? Il avait un journal de bord plus un autre journal de bord. Le journal de bord, le premier, c'était le faux. Ah, il y avait l'officiel et l'officieux. Et oui. Et donc, quand Chichester a trouvé, on lui a apporté le journal de bord, il a compris que tout ça, c'était un vaste mensonge. Et Chichester a dit, eh ben, écoutez, c'est tragique, mais on ne peut pas le considérer comme un marin. On ne triche pas avec la mer. Donc, moi, je ne le considère pas comme un marin. Et après, on lui a donné le vrai journal, le journal du mensonge. Et là, Chichester a déclaré, c'est peut-être la plus belle aventure maritime du siècle. Comme quoi, même des faussaires, mais qui vont jusqu'au bout à des choses qui sont énormes, qui sont des enjeux qu'il ne peut pas gagner. Il y a quand même quelques-uns dont Chichester qui reconnaît. Il a été pris dans un piège, et c'est un grand personnage, Crowhurst. Alors, concernant quand même la motivation de Crowhurst pour aller jusqu'au bout, même si c'est un peu psy, c'est quoi? C'est un besoin d'argent dans une Angleterre qui souffre beaucoup économiquement dans les années 60. C'est un besoin d'argent ou c'est un besoin de reconnaissance sociale ou c'est les deux? C'est un besoin d'argent. D'abord, c'est un besoin d'argent. D'accord. Il est traqué dans sa petite entreprise. Il est avec ses enfants qui viennent avec lui dans son atelier. Il leur explique ce qu'il fait, le gouvernail automatique, et qui marchait très très bien. C'était pas un navigateur. Il a fait des trouvailles pour la navigation qui était vraiment très très bien. Mais c'était l'argent. Il ne pouvait plus, même quand on n'a pas d'argent, aller acheter à manger pour sa famille. Mais il était pris dans l'engrenage. Il ne pouvait pas arrêter de dire je vais trouver un métier stable. Non, il était... Et puis, dans le même temps, c'est vrai que s'il s'en sort au niveau de l'argent, en même temps, il aura la renommée. Donc, il y a les deux, quoi. Il y a les deux. Mais avant tout, je pense que c'était l'argent. Mmh. Et puis, c'est vrai, il avait été à l'arrivée de Chichester. Il a été aux conférences de presse de Chichester. Et il regardait Chichester. Et autant il voulait apprendre la navigation, mais il voulait apprendre les gestes de Chichester, le regard de Chichester. Comment un homme qui a traversé tout l'océan, qui a traversé la Dalin, comment il regarde, comment il est. Donc il a essayé comme un acteur. Je vais apprendre, suivant un grand personnage, je vais essayer de lui ressembler. Et puis après, en lui ressemblant, bah, je pourrais accomplir la même chose que le grand maître qui était Chichester. D'ailleurs, il lui propose d'emprunter son bateau. J'ai fait le tour du monde avec, puis je vous le rends. Oui, oui, voyons. Tranquille. Alors, on va écouter ensemble une archive qui aurait pu suivre directement notre récit, d'ailleurs. C'est l'annonce à la BBC de la supercherie de Crowhurst. Et nous sommes donc en juillet 1969. Écoutez. Surprenant coup de théâtre ce soir à propos de Donald Crowhurst, le navigateur disparu qui faisait partie des engagés de la course autour du monde organisée par le Sunday Times. Le journal affirme dans une déclaration qu'une étude détaillée des livres de bord de Crowhurst a démontré qu'il est resté dans l'Atlantique pendant les 243 jours alors qu'on pensait qu'il faisait le tour du monde. Les indications du livre de bord laissent supposer qu'il était accablé par des pressions mentales considérables. Le Thames Electron, le trimaran de Crowhurst, a été découvert à la dérivée vide à 700 000 à l'ouest des Açores. Quelles ont été les réactions? C'était la stupéfaction. Chichester, malgré tout, il était étonné et déclarait son étonnement. Il n'a jamais dit qu'il n'y croyait pas. Il y a eu un journaliste de navigation de bateau qui a dit, c'est le seul, j'y crois pas tellement. J'ai plus le nom, mais il n'y croyait pas tellement. Mais Chichester n'osait pas. Et donc, quand il a repris, parce que il avait déclaré qu'il n'a pas le droit d'être marin, même, mais qu'il a triché, mais quand il a lu le deuxième journal de bord, il s'est rendu compte de l'épreuve, de la randonnée, de l'énormité du mensonge et de l'énormité de comment s'en sortir, comment faire face. Et donc, par rapport à la tragédie qui n'est plus autour de la mer, mais qui est dans soi-même, c'était formidable. Il faut savoir aussi que dans cette épreuve, il y a eu Tigel. Alors, il faut en parler parce que lui, son destin est dramatique. Est dramatique. Racontez-nous. Tigel, donc, a abandonné. Oui. Il a eu une difficulté parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son rêve. Il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Donc, il a végété quelque temps dans sa campagne. Et puis, après, il y avait un arbre auquel il passait souvent. Il a acheté la corde et il s'est pendu. Donc, on ne reste pas insensible. C'était à l'époque. Là, il y a des performances qui sont hallucinantes. Les derniers navigateurs, de Gabart, ça n'a rien à voir. Gabart a fait ça en combien de jours? 300 jours. Ouais. Donc, il y a de quoi complètement délirer. Et il y a eu lui. Et qu'est-ce qu'il y a eu au cours? Alors, il y a eu Robin Knox Johnson. Lui, il a eu un geste élégant. Il a fait un truc formidable. Donc, les 5000 livres qui étaient offerts au vainqueur, il les a reçus et il les a portés à Madame Crowhurst. Donc, Robin Johnson, qui est toujours en vie, que je connais un peu, que j'ai rencontré à Monaco, et c'est formidable. L'homme le plus illustre d'après-guerre dans matière maritime, c'est Noel Johnson. Enfin, ce qu'il a fait, il a traversé... C'était le premier homme qui a fait le tour de la Terre sur la mer, sans escale. Quoi. C'est le premier homme. Il y en avait d'autres dans la grande histoire. Il y a eu aussi Vito Dumas, il y a très longtemps, et puis Alain Gerbaud, le formidable Alain Gerbaud. Et donc, non seulement il a réussi cette épreuve, mais il a fait aussi annoncer Chai Bliss aussi, qui était un concurrent, qui était un navigateur prodigieux. Lui, il a fait le tour du monde à l'envers. Donc, ça a l'air de rien, mais il traversait le Cap Horn à l'envers, avec des embruns, c'est plus des embruns, mais des tempêtes phénoménales. Donc, c'était des gens hors pair. Comment pouvait faire Crowhurst, lui, qui était un petit navigateur du dimanche, mais pas plus loin que le dimanche. Donc, il partait le matin, il mettait ses voiles peut-être à l'envers, ce qui est vrai. Le jour du départ, les voiles de Crowhurst étaient montées à l'envers. Et devant sa famille désespérée, il a fait demi-tour, il est revenu au port sur la jetée, et vite remis les voiles à l'endroit pour partir avant minuit, parce que sinon, il était disqualifié. Donc, tout allait mal. Et donc, bien sûr, tous les vivres qu'il avait emportés, ce que l'on voit dans le film là, avec les deux acteurs qui sont Colin Firth pour Crowhurst et sa femme, c'est Rachel Weisz, qui sont deux acteurs prodigieux, eh bien, ils ont interprété, même si ce sont des grands acteurs, on sent une détresse, on sent qu'ils sont dans une impasse affective dans laquelle il n'y a pas d'issue, il n'y a rien à faire. Et donc, sans issue, sans se concerter, éloignés l'un de l'autre, c'est tragique. C'est malgré tout la plus tragique, mais une des plus formidables histoires. Formidable. Parce que pour s'en sortir, qu'est-ce que l'on peut faire? Et quel est celui qui a le courage, et de mentir à soi-même, d'aller au jour du départ avec son bateau dont rien n'était arrimé, rien n'était fait, et il part. Et il sait dès le départ. Et c'est pour ça qu'on comprend finalement ce qu'il dit à un moment qui devient incompréhensible. On comprend que ce soit incompréhensible quand un homme se retrouve, alors pour le coup, face à lui-même, à ses mensonges, à ses doutes, dans un environnement qui est la mer, qui ne pardonne pas, c'est quand même un environnement qui est la mer, qui est l'immensité, avec en plus, qui vous rend encore plus seul, une panique. Oui, ne j'imagine. Pas rencontrer un bateau, en dehors du fait de le résister à la mer. Mais s'il rencontre un bateau, c'est disqualifié, donc il l'était complètement. C'est pas possible. Je veux dire, quelle était l'issue devant une telle énormité? Bah oui, c'est de se laisser... Voilà, il avait coupé... Il y a toujours la ligne de vie pour un navigateur. Et il la coupe. Et dans le film, c'est bien montré. Il explique à quoi ça sert. Oui, on le retient, et moment fatidique, il coupe, et on comprend ce qui va se passer. Alors, il faut quand même... Ce souvenir, on a parlé des autres grands personnages de cette course. Faut pas oublier Bernard Moitessier, parce que lui, c'est incroyable aussi. Alors lui, il dit, votre course, moi je m'en fiche, ce que j'aime, c'est la mer, je suis heureux, donc votre prix, allez vous faire voir. Oui, il a participé à la course parce que ça allait faire le tour du monde. Formidable! Avec d'autres navigateurs qu'il estimait, ben, je vais faire le tour du monde. Mais au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que c'était une course et qu'il y avait le premier arrivé et ça l'ennuyait. Lui, il a fait cette course pour être en contact, en harmonie avec la mer. Et puis, on se dit quand même qu'à cette époque, la course à la voile, c'était un peu de la folie, quoi, parce qu'ils sont un peu tous, et je ne vais pas dire qu'ils sont tous fous, mais ils sont tous atypiques, ces gens-là, quand même. Mais c'est ce qu'a fait Chichester. Ouais. Chichester, il a fait une seule escale, je crois, en Australie, en 1964, je crois. Et là, mais c'était surprenant, bluffant. En plus, il faut savoir, bien sûr, c'est explique l'histoire. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de goniot, il y a l'impossibilité de faire le point de savoir où l'on est, et surtout d'émettre. Et c'est ce qui a permis cette tricherie. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dévie de sa route, bah, il est signalé par Internet, par... Les balises, les moyens techniques modernes. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que nous avons consacré une émission d'Affaires Sensibles à l'aventure de Moitessier. Donc, s'ils ont envie de la réécouter, c'était le 27 septembre. Je ne vais pas vous donner de conseils techniques pour les podcasts, parce que vu le nombre de connexions podcasts pour Affaires Sensibles, je vois que vous savez faire. Alors, je reviens à présent sur votre expérience en tant qu'acteur jouant le rôle de Donald Crowhurst, ne l'oublions pas, pour le film Les 40e Rugissant. Le tournage a eu lieu en 81 et des caméras du magazine Thalassa se sont rendues sur place pour recueillir vos commentaires et ceux du réalisateur Christian Chalon. J'en vais écouter ça. Mon Dieu. L'histoire de Donald Crowhurst a enthousiasmé Jacques Perrin, qui travaille sur ce projet depuis plusieurs années déjà. Pour Christian de Challonge, le réalisateur, l'aventure n'est pas simple. Tourner en décor naturel, c'est bien, mais ça pose énormément de problèmes techniques qu'il faut résoudre au jour le jour, avec des techniciens particulièrement compétents et toujours disponibles. Mais tant que la mer est... Là, tu peux y aller, là. Voilà. Essaye de pousser, maintenant. À partir du moment où on tourne en mer, on sait tous les ennuis qu'on a. C'est-à-dire où on a une mer faible et c'est pas spectaculaire, où on a une mer forte et c'est très très très difficile de tourner. Alors déjà, on a essayé de choisir un matériel qui nous permettait de faire des prises de vue en mer, quelle que soit la force de la mer, qui est un matériel assez sophistiqué d'ailleurs, avec des plateformes qui rétablissent un peu l'horizon quand il y a un horizon, ou même les mouvements trop brusques, et avec des hublots qui... Quand il y a un peu de mer, face les embruns qui viendraient immédiatement sur l'objectif et qui nous empêcheraient de continuer les prises de vue. Voilà, Jacques Perrin, c'était juste pour vous rappeler un petit souvenir. Voilà. Ouais. Dernière chose, on n'a plus que 30 secondes, entre vous et moi, ce qui évidemment ne veut rien dire, puisque 600 000 personnes nous écoutent. Vous avez des doutes sur le suicide? Vous pensez que la fin réelle de Crowhurst? Aucun doute? Aucun doute. Non, il y a eu même quelques articles dans la presse où certaines personnes croyaient l'avoir aperçu aux Antilles. On dit toujours ça dans l'histoire de Marat, disparu. Oui, et puis dans des histoires hautement tragiques, il y a des gens qui ont disparu. Merci infiniment, Jacques Perrin, merci pour à vous, votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'étrange histoire de Donald Crowhurst. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.